إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers frères et sœurs, nous continuons la lecture de la lettre écrite par l'imam Sofiane al-Thawri rahimahullah ta'ala au sujet des comportements qu'il convient d'adopter avec les gens. Nous avons vu dans le cours d'hier l'introduction de cette lettre et nous nous sommes arrêtés à la parole de Sofiane rahimahullah ta'ala alors qu'il allait entrer dans le vif du sujet. Il a donc commencé son conseil en disant « فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ « Je t'enjoins certes la crainte d'Allah. » Ceci est le premier conseil qu'il adresse ici à Abbad ibn Abbad, la taqwa. Et cette recommandation est la plus immense et la plus importante des recommandations. Car c'est celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a adressée au premier et au dernier. Il a dit dans son noble livre au verset 131 de Sourate An-Nisa: "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Nous avons certes enjoint à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous, de craindre Allah, de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la base du succès et de la réussite pour le serviteur. Et at-taqwa, que l'on traduit parfois par la piété ou par la crainte d'Allah, elle désigne en arabe le fait que l'homme place entre lui et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui l'en protège. Et cette protection, c'est l'accomplissement de ce qui t'est ordonné et le délaissement de ce qui t'est interdit. Tout simplement. C'est cela qui te protégera du châtiment d'Allah. Que tu accomplisses ce qui t'est ordonné et que tu délaisses ce qui t'est interdit. Et plus tu feras des efforts en cela, plus tu feras des efforts dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et dans le délaissement des péchés majeurs ou mineurs, plus tu t'élèveras en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la taqwa, la crainte d'Allah ou la piété, elle a de nombreux mérites qui sont mentionnés dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces mérites, il y a le fait que le paradis est une demeure qui a été préparée pour ceux qui font preuve de piété. La taqwa, la piété, c'est donc la cause qui te fera entrer au paradis. Et c'est aussi la cause qui fera que tu seras préservé du feu de l'enfer. En faisant preuve de piété, tu obtiens l'aide et le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. En faisant preuve de piété, tu obtiens également l'amour de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah aime Al-Muttaqin, ceux qui font preuve de taqwa, ceux qui font preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, les vertueux. Également avec la taqwa, avec la piété, tu trouveras une issue à toute difficulté. Et ceci est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans son noble livre: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et quiconque fait preuve de piété à l'égard d'Allah, Allah lui accordera une issue. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et lui accordera sa subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. La piété est donc l'issue à toute difficulté. Et elle a également de nombreux mérites que nous ne pourrons pas ici tous mentionner. Mais on voit que Sofiane, rahimahullah, il a mentionné ici un seul de ses bénéfices. Un bénéfice en lien avec le sujet de cette recommandation. Et il a dit, rahimahullah, فَإِنِ اتَّقَيْتَ اللَّهِ كَفَاكَ النَّاسِ. Et si tu fais preuve de piété à l'égard d'Allah, si tu crains Allah, il te suffira contre les gens. وَإِنِ اتَّقَيْتَ النَّاسِ لَمْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Et si tu crains les gens, alors ils ne pourront rien pour toi auprès d'Allah. Il a donc mentionné ici ce mérite immense de la taqwa, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un mérite directement lié au sujet de sa lettre. En effet, étant donné que la recommandation qu'il va adresser à Abbad est liée au comportement à adopter avec les gens. Il a commencé par lui exposer ce point d'une grande importance, qui est que comme dans tous les autres domaines de la religion, ta relation avec les gens doit être basée sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la piété. Et ça, c'est une chose qui échappe à beaucoup d'entre nous. Si tu souhaites savoir comment te conduire avec les gens, la première chose que tu dois comprendre est que ton objectif ne doit pas être d'obtenir l'agrément et la satisfaction des gens. Et tu ne dois pas craindre les gens. Ton objectif ne doit pas être de te protéger des gens ou de profiter d'eux. Mais ton objectif doit être d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et de te comporter avec les gens en faisant preuve de piété à l'égard de ton Seigneur, c'est-à-dire en accomplissant ce qui t'est ordonné vis-à-vis d'eux et en délaissant ce qui t'est interdit. Et si tu fais cela, alors tu dois avoir la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala te suffira contre les gens et que tu n'auras rien à craindre des gens. Mais inversement, si tu te comportes à l'égard des gens en les craignant, en cherchant à tirer profit d'eux, en cherchant à obtenir leur satisfaction et en omettant de craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans ta relation avec les gens, alors tu dois savoir que les gens ne pourront rien pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tel est le décret de ton Seigneur. Il est rapporté que Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu a un jour écrit à Aisha radiyallahu anha et lui a demandé de lui adresser une recommandation, en lui précisant qu'il souhaitait qu'elle soit courte. Alors elle lui a dit, « Celui qui obtient l'agrément d'Allah, en court ou sans les gens, Allah sera satisfait de lui et il rendra les gens satisfaits de lui. Et celui qui satisfait les gens, en provoquant la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sera en colère contre lui et il rendra les gens en colère contre lui. » Tu vois donc que la base dans tes relations et la chose sur laquelle tu dois te concentrer est l'agrément de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et si tu fais cela, alors tu trouveras tout bien. Et tu verras que tu seras préservé de beaucoup de mal. Et tu dois prendre garde à ne pas te comporter avec les gens conformément à leurs désirs, conformément à leurs passions, conformément à leurs coutumes, si celles-ci s'opposent à notre religion. Mais tu dois toujours faire prévaloir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et accomplir ce qui est légiféré pour toi dans ta religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala te suffira contre le mal des gens. S'il cherche à te nuire, Allah subhanahu wa ta'ala te protégera. S'il cherche à t'humilier, Allah subhanahu wa ta'ala t'honorera. S'il cherche à te rabaisser, Allah subhanahu wa ta'ala t'élèvera. Et s'il cherche à t'appauvrir, Allah subhanahu wa ta'ala t'enrichira. Tu dois avoir la certitude de cela. Celui qui craint Allah, Allah lui suffira contre les gens. Et inversement, celui qui omet de craindre Allah et qui fait prévaloir les passions des gens et leurs désirs, et qui recherche leur satisfaction, alors il n'obtiendra rien de ce qu'il recherchait. Même leur satisfaction, il ne l'obtiendra pas. Ils ne seront pas satisfaits de lui. Car la satisfaction des gens est un objectif qui ne peut être atteint. C'est pour cela que l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a un jour dit à Younus ibn Abdil A'la, « Il n'y a aucun moyen de se préserver des gens. Regarde donc ce qui est dans ton intérêt et accroche-toi à cela. Et laisse les gens et ceux dans quoi ils sont. » C'est-à-dire ne cherche pas à obtenir leur satisfaction et leur agrément, mais regarde ce qui t'est profitable, c'est-à-dire ce qui t'est profitable religieusement. Regarde ce qui t'incombe. Regarde dans tes relations avec eux, qu'est-ce qui te profite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui te permet d'obtenir la satisfaction de ton Seigneur. Et ne cherche pas à satisfaire les gens au détriment de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et au détriment de ta religion. Certaines personnes parfois pensent qu'en faisant des concessions dans leur religion, ils vont satisfaire les gens. Alors ils commencent à délaisser certaines choses et certains principes de leur religion. Et ils pensent que les gens vont ainsi être satisfaits de lui. Et ceci est une grave erreur. Car en faisant cela, premièrement, tu encours la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, si Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre toi, alors il rendra les gens en colère contre toi. Ils ne seront jamais satisfaits de toi. Et leurs demandes et leurs exigences ne feront qu'augmenter. Si tu fais une première concession, ils en voudront une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et ainsi de suite. D'autant plus s'ils ne sont pas musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis de cela dans le Coran, lorsqu'il a dit au verset 120 de Surat al-Baqarah, « وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ » Ni les juifs, ni les chrétiens ne seront satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. C'est cela qu'ils attendent de toi. Ils appellent à leur religion. Ils appellent à la mécréance, au polythéisme. Tu dois donc prendre garde à ne pas suivre leurs désirs et leurs passions, à ne pas chercher à leur ressembler en espérant obtenir leur agrément, car ils ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu es musulman. Ils veulent que tu délaisses l'islam dans son intégralité. Ne pense pas que c'est seulement contre un groupe de musulmans ou contre une branche parmi les branches de l'islam que leurs attaques sont visées, mais c'est contre l'islam dans son intégralité. Ce qu'ils attendent de toi, c'est que tu sois mécréant comme eux. Wal'iyadu billah. Et de la même manière, l'ensemble des gens, parmi les gens de l'innovation et des passions, qui aimeraient nous voir délaisser la sunnah, ou encore les gens des péchés et des mauvaises actions, qui aimeraient voir les gens de vertu délaisser le commandement du bien et l'interdiction du mal, et ainsi de suite. Tu ne dois pas chercher leur agrément ou leur satisfaction dans ce qui te fait encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ta priorité doit toujours être la crainte d'Allah. Et si tu fais cela, alors Allah subhanahu wa ta'ala te suffira contre les gens et il rendra les gens satisfaits de toi. Donc ceci est le premier point sur lequel Sufyan rahimahullah ta'ala attire notre attention dans cette recommandation immense. C'est que tes relations avec les gens soient basées sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu veilles toujours à accomplir ce qui t'est ordonné et à délaisser ce qui t'est interdit. Ensuite, il a dit, rahimahullah, « Sa'alta an aktuba ilayka kitaban asifu laka fihi khilalan tashabu biha ahla zamanik. » Tu as demandé que je t'écrive une lettre dans laquelle je te décrirai les qualités par lesquelles tu te conduirais avec les gens de ton époque. « Wa tu'addi ilayhim ma yahiqqu lahum alayk » Tu leur donnes ce qu'ils ont comme droit vis-à-vis de toi, c'est-à-dire que tu accomplis leur devoir envers eux, et tu demandes à Allah ce qui te revient. Donc on voit tout d'abord ici, comme on l'a mentionné hier, que cette lettre a été écrite par Sofiane, rahimahullah ta'ala, à la demande de Abbad. C'est lui qui lui a demandé de lui écrire ce conseil. Et on a vu hier que ceci nous prouve la recommandation de revenir aux gens de science, de demander leurs conseils, leurs orientations et leurs recommandations. Il lui a donc demandé de lui décrire les qualités qu'il convient d'adopter dans son comportement avec les gens. Et on voit à travers cela que Abbad, rahimahullah ta'ala, c'était un homme savant et vertueux. Son souci était de savoir ce qui lui incombe à l'égard des gens. Il ne cherchait pas à savoir quels sont ses droits. C'est pour cela qu'il a dit « Et tu demandes à Allah Azza wa Jal ce qui te revient. Tes droits à toi, tu les demandes à Allah. » Mais ce dont il se souciait, c'était de savoir quels sont ses devoirs vis-à-vis des gens. Et c'est ainsi qu'il nous convient d'agir, de la même manière que cet homme vertueux, et ne pas être comme beaucoup de gens aujourd'hui, qui ne cherchent qu'à connaître leurs droits et ne se soucient pas de leurs devoirs. Ils réclament que leurs droits leur soient accordés de manière complète, alors qu'eux n'accomplissent pas leurs devoirs à l'égard des gens. Si tu les rencontres, ils attendent que tu leur adresses le salut en premier, alors qu'eux n'adressent pas le salut aux gens. Ils veulent que tu sois souriant, mais ils ne le sont pas. Ils veulent que tu leur parles cordialement, alors qu'ils sont durs dans leurs paroles. Ils veulent que les gens soient à leur service, alors qu'ils ne rendent jamais service aux gens, et ainsi de suite. Ils ne donnent pas aux gens leurs droits, ils n'accomplissent pas leurs devoirs, mais ils exigent pour eux la pleine mesure. Et ceci est une injustice et une forme de fraude et de tricherie contre laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde dans son noble livre, lorsqu'il a dit « Waylul lil mutaffifin, malheur aux fraudeurs ». Qui sont-ils ?« Alladhina idha ktalu ala nasi yastawfoun » Ceux qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure. « Wa idha kaluhum » أو وزنوهم يخسرون. Mais lorsque c'est eux qui mesurent ou qui pèsent, alors ils lèsent les gens, ils causent leur perte. Et il faut savoir que ce verset il ne concerne pas seulement la pesée et la mesure, mais entre dans ce qui est mentionné dans ce verset, l'ensemble des échanges que tu as avec les gens. Tu dois te comporter avec eux à juste mesure. Ne pas exiger ce qui est pour toi en délaissant ce qui est pour eux. Et ceci avec l'ensemble des gens, à commencer dans ton foyer. Certaines personnes, époux et épouses, exigent de l'autre qu'il soit parfait, exigent de l'autre qu'il leur accorde l'ensemble de leurs droits. L'homme veut que son épouse lui donne tout ce dont il a besoin, et il est sans cesse en train de lui adresser des reproches, sur la moindre chose. Et de la même manière la femme, elle exige l'ensemble de ses droits, et ainsi ils sont en guerre dans leur foyer de manière perpétuelle. Et ceci n'est pas un bon comportement. Mais le bon comportement est que tu te soucies de donner à l'autre ses droits. Ceci doit être ta priorité. Tu ne dois pas te concentrer sur les droits qui ne t'ont pas été donnés. Car si tu te concentres sur tes droits, alors que tu négliges tes devoirs, alors sache que ceci est une forme d'injustice, une forme de tromperie, de fraude et de tricherie, et qui entre dans ce qui est mentionné dans le verset de Sourate Al-Mutaffifin. Et de la même manière avec l'ensemble des gens, avec tes voisins par exemple. Combien sont ceux à exiger de leurs voisins qu'ils soient parfaits? Il ne veut pas que ses voisins le gênent, il ne veut pas que ses voisins fassent de bruit, il ne fait que se plaindre de leurs nuisances et ainsi de suite. Mais lui par contre, il ne se soucie pas de savoir s'il les gêne ou non, si le bruit qu'il fait les dérange ou non et ainsi de suite. Et il en est de même avec tes frères, avec tes amis. Combien sont ceux à être négligents vis-à-vis de leurs frères, à ne pas leur donner leurs droits? Et à se plaindre lorsqu'ils agissent de la même manière. Il va être en colère lorsqu'ils ne le visitent pas, lorsqu'ils ne prennent pas de ses nouvelles. Mais lui ne les visite pas et ne prend pas de leurs nouvelles. Et ainsi de suite avec l'ensemble des gens. Tout ceci est une forme d'injustice, de tromperie, de tricherie et de fraude dans la pesée. Tu n'as pas évalué tes droits et tes devoirs à juste mesure. Et celui qui est doué de raison, celui qui veut le bien, et celui qui veut atteindre la piété, il doit agir à l'inverse de cela. Son objectif doit toujours être de s'acquitter de ses devoirs envers les gens. Car c'est sur cela que tu seras interrogé. Tu ne seras pas interrogé sur les actions des gens, tu seras interrogé sur les tiennes. Eux, leur négligence et leur manquement vis-à-vis de tes droits. Tu n'en es pas responsable. C'est eux qui auront des comptes à rendre pour cela. C'est eux qui vont être interrogés. Ce n'est pas toi. Donc pourquoi t'en soucier? Pourquoi te soucier de leur manquement et de leur négligence? Soucie-toi plutôt de tes manquements et de ta négligence, car c'est sur cela que toi, tu seras interrogé, et non pas sur la négligence des gens. Allah subhanahu wa ta'ala t'a imposé des devoirs envers nombre de personnes. Des devoirs envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers ses compagnons radiyallahu anhum, mais aussi des devoirs envers tes parents, des devoirs envers ton époux ou ton épouse, des devoirs envers tes enfants, des devoirs envers tes proches, des devoirs envers tes amis et tes frères, des devoirs envers tes voisins, et des devoirs envers l'ensemble des musulmans. Tous ces devoirs, tu seras interrogé à leur sujet. Donc tu dois veiller à t'acquitter de l'ensemble des devoirs qui t'incombent. Car tu n'obtiendras pas le salut au jour de la résurrection si ce n'est en t'étant acquitté du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus important des droits, mais aussi des droits de ses créatures. Et tout ce que tu as négligé parmi tes devoirs envers les créatures, il se peut que ce soit la cause de ta perdition au jour de la résurrection. Imagine-toi une personne qui a négligé le droit de ses parents, qui a été malfaisant envers eux, et qui est ainsi tombée dans un des plus graves des grands péchés. Imagine également quelqu'un qui a été négligent vis-à-vis du droit de ses enfants, qui ne les a pas éduqués convenablement, qui n'a pas pris soin d'eux, qui ne les a pas protégés. Alors il se rend coupable également d'un grave péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, il suffit à l'homme comme péché de négliger ceux qui sont sous sa responsabilité. Et de la même manière, celui qui néglige les droits de ses voisins par exemple, il tombe également dans un péché gravissime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, n'entrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Donc tu vois à travers tout cela que ta priorité ne doit pas être de connaître tes droits, Mais ta priorité doit être de connaître tes devoirs, afin de t'en acquitter. Et tu dois donner de l'importance à cela. Et ne pas venir au jour de la résurrection, en ayant commis des injustices ou en ayant été négligent, car tu te verras réclamer les droits de ceux que tu as lésés. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et on a vu dans un cours précédent la parole de l'imam al-Qurtubi rahimahullah, au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala décrivant la situation des gens au jour de la résurrection, qu'ils se fuiront les uns les autres. Et parmi les explications données, il y a le fait qu'ils craindront de voir leurs conjoints, leurs parents, leurs frères venir leur réclamer leurs droits en raison des injustices qu'ils ont causées. Donc tu dois veiller dans tes relations avec les gens à faire preuve de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et à t'acquitter de tes devoirs même si tu n'obtiens pas complètement tes droits. Et concernant tes droits, il ne convient pas que tu sois exigeant afin de ne pas être une charge pour les gens. Car si tu es exigeant, tu risques de leur nuire, de leur causer du tort. Si tu es exigeant envers ton épouse ou la femme qui est exigeante envers son mari, ils se rendent ainsi la charge difficile et ils se causent du tort en réalité. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné l'indulgence. Il a dit dans son noble livre « خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ » Sois indulgent, ordonne le convenable et détourne-toi des ignorants. Sois indulgent, ne sois pas exigeant dans la réclamation de tes droits, car tu risques de devenir une charge pour les gens et leur rendre la tâche difficile. Et celui qui est indulgent et qui s'acquitte de ses devoirs, alors il sera toujours apaisé. Et tel est le bon comportement à adopter. Ne pas penser sans cesse à ses droits. Ne pas être toujours en train de te soucier des négligences des gens à ton égard. Il y a des gens qui agissent ainsi et qui sont toujours malheureux. Celui-ci, il ne m'appelle jamais. Celui-ci, il ne prend pas de mes nouvelles. Celle-ci, elle ne me visite pas. Celui-là, il a donné à un tel, mais il ne m'a pas donné à moi. J'ai été malade, mais ils ne m'ont pas visité. J'ai été en difficulté, ils ne m'ont pas aidé. Et ainsi de suite. Ceux-là, ils sont malheureux, ils sont toujours concentrés et focalisés sur les manquements des gens. Et si tu souhaites être heureux, si tu souhaites être apaisé, si tu souhaites obtenir le bonheur ici-bas, avant même l'au-delà, ne te soucie pas des manquements des gens. Et si tu as besoin de quelque chose, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu as une demande à adresser, adresse-la à Allah. Et si tu as besoin d'aide, implore l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui détient la royauté des cieux et de la terre. Rien ne peut se passer sans qu'il le veuille. Lorsqu'il veut une chose, il dit soit et cette chose est. Donc adresse-toi à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il t'a ordonné de l'invoquer, il t'a promis de t'exaucer. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vous répondrai. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Donc si tu as une demande, adresse-la à Allah. Et si tu as besoin d'aide, implore l'aide d'Allah. Comme Sofiane al-Thawri rahimahullah ta'ala nous le dit ici, tu demandes à Allah ce qui te revient. Et il n'y a pas de doute que ceci demande beaucoup de patience. Et peu sont ceux à patienter sur un si noble comportement. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister. Et c'est pour cela que Sofiane a dit ensuite, وَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ أَمْرٍ جَسِيمٍ. Tu as interrogé au sujet d'une chose immense. النَّاظِرُونَ فِيهِ الْيَوْمِ الْمُقِيمُونَ بِهِ قَلِيلٍ. Ceux qui observent cela et qui accomplissent cela, ils sont rares aujourd'hui. Rares sont ceux à se soucier de leurs devoirs envers les gens. Mais la plupart des gens, comme on a dit, ils se soucient de leurs droits. Ils réclament leurs droits. Quant à leurs devoirs envers les gens, ils ne s'en soucient pas. Et ce car ils ont inversé les choses, wallah al-musta'an. Ensuite il dit, بَلْ لَا أَعْلَمُ مَكَانَ أَحَدٍ. Mais je ne connais personne ainsi. وَكَيْفَ يُسْتَطَاعُ ذَلِكَ. Et comment pourrait-on être capable de cela? وَقَدْ كَدِرَ هَذَا الزَّمَنِ. Alors que cette époque est troublée. إِنَّهُ لَيَشْتَبِهُ الْحَقُّ وَالْبَاطِلِ. La vérité et le faux sont devenus confus. وَلَا يَنْجُو مِنْ شَرِّهِ إِلَّا مَنْ دَعَى بِدُعَاءِ الْغَرِيقِ. Et nul n'est sauvé de son mal, si ce n'est celui qui invoque comme quelqu'un en train de se noyer. Allahu Akbar. Sofiane Thaouri, il a vécu à quelle époque? On a dit hier qu'il faisait partie de ceux qui ont suivi les tabi'in, de la troisième génération de musulmans. Ceux au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure génération est la mienne, puis celle qui suit, puis celle qui suit. Et il nous dit que son époque est une époque où les temps sont devenus troubles, la vérité et le faux sont devenus confus, et nul n'est sauvé du mal de cette époque, il parle de son époque, si ce n'est celui qui invoque Allah comme quelqu'un en train de se noyer. Et ça, c'est un exemple qui est donné pour dire que celui qui est en train de se noyer, il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec une grande sincérité, avec un grand espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui est visé par cela, et que ne peut être sauvé du mal de cette époque que celui qui se réfugie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui lui demande le salut avec véracité et sincérité, de la même manière qu'invoquerait une personne en train de se noyer. Et Sofiane, rahimahullah ta'ala, dit cela au sujet de son époque, qui fait partie des meilleures des époques. Il vivait à l'époque où les savants et les grands imams de la religion étaient présents, où la religion était mise en pratique et propagée à travers le monde musulman. Il se peut que ce qui était considéré à leur époque comme ignorance et comme négligence soit considéré aujourd'hui comme science et comme sérieux dans la mise en pratique, car les époques ne peuvent être comparées. Et plus les temps avancent, plus les choses s'aggravent. Et méditez à ce sujet sur la parole qui est rapportée du noble compagnon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui a dit en s'adressant aux tabi'in, la génération qui a suivi celle des compagnons. Il leur a dit, les exhortant: vous faites certaines œuvres qui sont à vos yeux aussi fines qu'un cheveu, et nous la considérions au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une chose destructrice. Aussi fine qu'un cheveu, c'est-à-dire sans gravité. Vous considérez qu'il n'y a pas de mal en cela, alors qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on considérait ces choses-là comme des choses destructrices, des choses menant la personne à sa perte. Et il parle de l'époque des tabi'in, rahimahumullah ta'ala. Alors que dire de notre époque, où l'insouciance s'est propagée, où l'ignorance s'est diffusée, où rares sont les savants, et rares sont ceux qui se cramponnent comme il se doit à cette religion. C'est pour cela qu'il lui dit ensuite, rahimahullah, « Wa kana yuqal, yushiku an yatiya ala nas » Zamanun la taqarru fihi aynu hakim. Et on disait, il se peut que vienne un temps où ne se réjouira pas l'œil d'un sage. Le sage, al-hakim, c'est celui qui met chaque chose à sa place, celui dont les paroles et les actes sont justes. Viendra un temps où ce sage, il ne trouvera aucun apaisement, aucune réjouissance, en raison de ce qu'il verra comme négligence de la part des gens. Il verra qu'il se comporte de manière injuste. Alors il ne pourra pas se réjouir ni être apaisé. Mais il sera sans cesse soucieux et attristé. Wallahu al-musta'an. Donc on voit à travers ces courtes paroles, du début de cette recommandation, plusieurs leçons immenses. Et les plus importantes sont que la base de tes relations avec les gens doit être la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Accomplir ce qui t'est ordonné et délaisser ce qui t'est interdit. Mais aussi de te soucier en priorité de tes devoirs et de t'en acquitter, même si tu te vois lésé dans tes droits, car tu ne seras pas interrogé au sujet des négligences des gens, mais seulement au sujet de tes actes, et tu ne porteras pas, au jour de la résurrection, le fardeau d'autrui. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. On lira la suite de ce conseil immense dès le cours de demain. Inch'Allah ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا